Pour crever, moi. Fringue de surf, vraiment. Galaxy, welcome to the crazy house. Digiconi Galaxy. Thank you. Thank you. Galaxy. Thank you. musique connue sur Galaxy. Thank you. poux. Nous sommes les mannequins. Nous sommes les mannequins.

Ciccone sur Galaxy. Yeah. 95.3. Welcome to the Crazy House.